quand laisse consentir. Tout a doublé sauf les salaires. Quand est-ce qu'on s'alerte? J'aime la baisse quand c'est consenti. L'enfer nous attire. Comment rester sain vu ce qu'on traverse? Tempête ou averse? Oui, dans le cœur y'a que des flammes qu'on attise. Tout n'est que folie, on se dit que la vie sans être fouée. Valeur enfouie, faut du yébi, longer l'ennemi comme le chétan que des influenceurs. Très peu d'artistes, y'a beaucoup de youtubeurs. L'industrie fait de l'enfer une fraîcheur. Je vois pas la diffonte chez père et prêcheur. Crois juste un monde qui pue la mer. Veulent qu'on s'allonge et qu'on s'y perd. Tu es dans mon monde, y'a moins d'emmerdes. Ça sent bon l'air, vois juste un monde qui pue la mer. Veulent qu'on s'allonge et qu'on s'y perd. Tu es dans mon monde, y'a moins d'emmerdes. Ça sent bon l'air. Beaucoup trop simple, je reste focus sur ce qui me donne la vie. Je me bonifie en fonction de mes envies. Je suis comme une prod fait à partir de sang. À partir de là, je suis dans mon monde et j'aime pas lever la tête. Je vois corruption qui dirige la planète, putain. Faut que j'arrête ça, je reste dans mon coin, j'ai du mal à parler. Comme régisseur, je suis dans l'observation. Pour appeler, on m'a dit faut taper l'addiction. Contradiction, j'ai roulé un tarpé. Tu crois qu'être pire, ça peut pas l'être. Tout le monde se presse, on a le cerveau en panne. Je dis que c'est en prenant le temps qu'on en gagne. Fuck ta F1, je mets des roues sur une palette.